Chapitre 13. Il n'avait plus à s'observer, à écouter, à tendre ses nerfs, à retenir son cœur. Il pouvait marcher librement et réfléchir. Sa première pensée fut de chercher à se rendre compte de ce qu'il éprouvait, et il trouva que c'était un immense soulagement, quelque chose d'analogue sans doute à l'état de l'asphyxié qui revient à la vie. Physiquement, il avait repris son calme. Moralement, il ne sentait en lui aucun trouble, aucun remords. Il ne s'était donc pas trompé dans sa théorie quand il avait expliqué à Phyllis que chez l'homme intelligent, le remords précède l'action et ne la suit pas. Mais où il s'était trompé, c'était en s'imaginant qu'il apporterait dans son acte un sang-froid et une force qui en réalité lui avaient complètement manqué. Allant d'une idée à l'autre, ballotté par l'irrésolution, il n'avait nullement été l'homme fort qu'à l'avance il croyait être, celui qui marchait au but sans s'émouvoir, prêt à faire face à toute attaque d'où qu'elle vienne, maître de ses nerfs comme de sa volonté, en pleine possession de tous ses moyens. Au contraire, il avait été le jouet de l'agitation et de la faiblesse. Si un danger sérieux s'était dressé sur sa route, il n'aurait su de quel côté l'aborder. La peur l'eût paralysé et incontestablement il se serait perdu lui-même. À la vérité, sa main avait été ferme, mais sa tête avait été affolée. Il y avait là quelque chose d'humiliant qu'il fallait qu'il s'avoue, et ce qui était plus grave, d'inquiétant. Car, par cela que tout avait marché à souhait jusqu'à présent, tout n'était pas fini, et même rien n'était commencé. Si les recherches que la justice allait entreprendre venaient jusqu'à lui, comment se défendrait-il? Il se croyait bien certain de n'avoir pas été vu dans la maison de Cafier au moment où le crime avait été commis. Mais sait-on jamais si on a été vu ou si on ne l'a pas été. De même, il y avait la provenance de l'argent qu'il allait employer pour payer ses dettes, qui pouvait devenir une accusation contre laquelle il lui serait difficile de se défendre. Vous étiez sans ressources hier, aux abois. Comment du jour au lendemain vous êtes-vous procuré les sommes considérables pour vous avec lesquelles vous avez désintéressé vos créanciers? Cette question, il l'entendait sans plus lui trouver de réponse maintenant, qu'au moment où pour la première fois il l'avait examinée. Et ce n'était plus pour un jour indéterminé qu'il fallait la résoudre, c'était pour demain. En tout cas, il devait se tenir prêt, comme si certainement c'eût été pour le lendemain. Et ce qui pouvait la compliquer, c'était que Cafier, en homme de précaution qu'il était, eût pris soin de relever sur un livre qu'on trouverait les numéros de ses billets de banque. En quittant la rue Sainte-Anne, il avait pris la rue Neuve des Petits Champs pour rentrer chez lui, déposer ses billets de banque, faire disparaître les taches de sang qui avaient dû l'éclabousser et laver ses mains, surtout la droite, encore rouge. Mais tout à coup, l'idée lui passa par l'esprit qu'il pouvait être suivi et que ce serait folie de dire où il demeurait. Alors, pressant assez le pas pour forcer à courir celui qui le suivrait, il se lança devant lui, n'ayant d'autre souci que de prendre des rues mal éclairées, celle où il y avait peu de chance pour qu'on vît les taches si elles se montraient sur ses vêtements, son linge ou ses chaussettes. Il marcha ainsi pendant une demi-heure environ, tournant et retournant sur sa piste, la brouillant, et après avoir traversé deux fois la place Vendôme où il avait pu voir loin derrière lui, il s'était décidé à rentrer, ne sachant trop s'il devait être satisfait d'avoir ainsi dérouté les recherches ou s'il ne devait pas plutôt être furieux d'avoir cédé à une sorte de panique. Comme il passait devant la loge sans s'arrêter, son concierge l'appela et sortant aussitôt lui remit une lettre avec un empressement peu ordinaire. Saniel, qui voulait échapper à tout examen, la prit vivement et la fourra dans sa poche. « C'est une lettre importante, » dit le concierge. « Le domestique qui me l'a remise m'a dit qu'elle renfermait de l'argent. » Il fallait cette recommandation pour qu'à un pareil moment, Saniel eût la pensée de l'ouvrir, ce qu'il fit en rentrant chez lui. « Je ne veux pas, mon cher docteur, quitter Paris pour Monaco où je vais passer 2 ou 3 mois sans vous adresser tous nos remerciements. Votre bien reconnaissant, c'est Dufaux. » Ces remerciements étaient représentés par 2 billets de 100 francs, paiement plus que suffisant pour les soins que Saniel avait donnés quelques mois auparavant à la maîtresse de cet ancien camarade. Que lui importaient maintenant ces 200 francs qui, quelques jours plus tôt, lui eussent été si utiles. Il les jeta sur son bureau, et tout de suite, après avoir allumé deux bougies, il passa l'inspection de ses vêtements et de son linge. La précaution qu'il avait prise de se placer derrière le fauteuil lui avait réussi. Le sang, en jaillissant en avant et de chaque côté, ne l'avait pas atteint. Seule, la main qui tenait le couteau et la manchette de la chemise avait été éclaboussée. Mais cela était sans conséquence. Un médecin a bien le droit d'avoir du sang sur ses manches, et cette chemise allait rejoindre celle avec laquelle il avait, la nuit précédente, délivré la femme de la rue de la Corderie. Dégagé de ce souci, il ne l'était point de celui de l'argent qui chargeait encore ses poches. Il les vida sur son bureau où il compta le tout. 5 rouleaux d'or de 1 000 francs et 3 liasses de 10 000 francs chacune en billets de banque. Comment se débarrasser tout de suite de cette somme, pour lui considérable, et comment, plus tard, justifier de sa provenance quand le moment serait venu, s'il venait? La question était complexe, et malheureusement pour lui, il n'était guère en état de l'examiner froidement. Pour lors, il n'avait qu'à brûler tout de suite les papiers des rouleaux. Les louis n'ont ni numéro ni marque particulière. Mais les billets en ont. Où les cacher en attendant qu'il sût par les journaux si Cafier avait ou n'avait pas noté ses numéros? Tout en brûlant les papiers sur lesquels Cafier avait écrit de sa main 1 000 francs, il cherchait la cachette qu'il lui fallait. Derrière une glace, sous le chambranle de la cheminée qu'il soulèverait, sous une feuille de parquet, dans ses livres. Mais tous ces moyens ne lui paraissaient pas assez sûrs pour que dans une perquisition bien conduite, on ne découvrît pas cette cachette, ce qui le perdrait. Comme il promenait ses regards autour de lui, demandant aux choses une inspiration que son cerveau ne lui fournissait pas, ils tombèrent sur la lettre qu'il venait de recevoir, et ce fut elle qui lui en suggéra une moins banale. Dufaux était à Monaco pour jouer. Pourquoi n'irait-il pas aussi et ne jouerait-il pas? N'ayant ni parents ni amis auprès desquels il put se procurer une certaine somme, sa seule ressource était de la demander au jeu. Et dans la position désespérée qui était la sienne, au vu et au su de tout le monde, rien de plus naturel que cette tentative. Il venait de recevoir 200 francs qui ne pouvaient pas le sauver de ses créanciers. Il les risquait à la roulette de Monaco. Qu'il gagnât ou qu'il perdît, peu importait. Il aurait joué, cela suffisait. On l'aurait vu au jeu. Qui saurait s'il y avait perdu ou gagné? Il raconterait qu'il avait gagné. Personne pour le contredire. De Monaco, il ferait payer Jardine par un mandat télégraphique sur les 5 000 francs en or qui seraient plus que suffisants pour cela. Et quand il rentrerait à Paris, il se débarrasserait de ses autres créanciers avec ce qui lui resterait. L'affaire de la provenance tranchée, et il lui sembla qu'elle l'était intelligemment, ne résolvait pas celle des billets de banque qui, étalés devant ses yeux, le gênait. Qu'en faire? Il eût été vraiment plus sage à lui de ne pas les prendre dans la caisse. Si légères que fussent en réalité ces 3 liasses, elles l'écrasaient, et sous leur poids, il se sentait paralysé. Un moment, il pensa à allumer du feu et à les jeter dedans. Mais la réflexion le retint. Ne serait-ce pas folie d'anéantir cette fortune? En tout cas, ne serait-ce pas la marque d'un esprit borné, peu fertile en ressources? Il fallait chercher, il fallait trouver. Et en cherchant bien, un moyen se présenterait, assurément. Il chercha donc, mais si profondément absorbé qu'il voulut être, il ne parvenait pas à chasser une pensée qui s'imposait à son esprit. Que se passait-il maintenant, rue Sainte-Anne? La mort était-elle découverte? C'était là qu'il aurait dû être pour voir, au lieu de se tenir poltronnement enfermé dans ce cabinet où il se dévorait. Pendant quelques instants, il essaya de résister à cette obsession. Mais elle était plus forte que sa volonté et que son raisonnement. Tant qu'il serait sous son influence, il ne trouverait rien. Bon gré, mal gré, que ce fût fou ou sensé, il fallait qu'il y allât. Il se lava les mains, changea de chemise, et après avoir jeté les billets et l'or dans un tiroir, il partit. Il se rendait très bien compte qu'il y avait un certain danger à laisser chez lui ses preuves du crime, qui, trouvées dans une perquisition, l'accablaient sans qu'il pût se défendre. Mais il se disait que cette perquisition immédiate était invraisemblable et que s'il ne faisait pas entrer la vraisemblance dans ses calculs, le probable et l'improbable, mieux valait pour lui ne pas raisonner. C'était une chance qu'il courait. Mais combien de bonnes n'avait-il pas de son côté? Il avait parcouru la rue Neuve des Petits Champs à pas pressés. Mais en approchant de la rue Sainte-Anne, il ralentit sa marche, regardant devant lui, autour de lui, écoutant. Rien d'insolite ne le frappa. De même, quand il tourna dans la rue Sainte-Anne, il lui trouva son aspect ordinaire. Peu de passants, pas de curieux, pas de groupe sur les trottoirs, pas de boutiquiers sur le pas de leurs portes, rien que ce qui se voyait tous les jours. Sans aucun doute, on n'avait rien découvert encore. Alors il s'arrêta, jugeant inutile d'aller plus loin. Déjà, il n'avait passé que trop de fois devant la porte de café, et quand on était bâti comme lui, d'une taille au-dessus de la moyenne, avec une physionomie et une tournure qui n'étaient pas celles de tout le monde, on devait éviter de provoquer l'attention. Pendant quelques minutes, il se promena à petits pas, allant, revenant, de la rue Neuve des Petits Champs à la rue du Hasard. De là, il voyait jusqu'à la maison de Cafier, et il en était cependant assez éloigné pour qu'on n'imaginât pas qu'il montait la garde devant. Mais cette promenade, toute naturelle cependant, et que dans des circonstances ordinaires il eût continué pendant une heure sans penser qu'on pouvait s'en étonner, ne tarda pas à l'inquiéter. Il lui sembla qu'on le regardait, et, deux passants s'étant arrêtés pour causer, il se demanda si ce n'était pas de lui. Pourquoi ne continuait-il pas leur chemin? Pourquoi de temps en temps tournait-il la tête de son côté? Des commis qui rentraient en étalage dans leur magasin l'inquiétèrent plus encore. Ils ne se pressaient point d'achever leur besogne, et chaque fois qu'ils revenaient sur le trottoir, ils le poursuivaient de leur regard curieux. Plus tard, ils pourraient être de dangereux témoins. Il abandonna la place, et comme il ne voulait pas, comme il ne pouvait pas se décider à s'éloigner de la maison, il trouva ingénieux d'aller s'attabler dans le petit café qui lui faisait vis-à-vis. En entrant, il s'assit près de la porte, à une table appuyée contre la devanture, et qui lui parut un excellent observatoire, d'où il surveillerait facilement la rue. « Il faut servir à monsieur ?» demanda le garçon. « Du café. » Ce fut machinalement qu'il fit cette réponse, sans savoir ce qu'il disait, et il n'y pensa qu'après l'avoir lâché, se demandant s'il était naturel de prendre du café à cette heure. Les gens, attablés dans la salle, buvaient des apéritifs ou de la bière. N'était-ce pas une maladresse? Mais tout lui semblait une maladresse, comme tout lui semblait dangereux. Ne pourrait-il donc reprendre son sang-froid et sa raison? Il but son café lentement, à petits coups, puis il se fit donner un journal pour prendre une contenance. La rue était toujours calme et les gens sortaient du café les uns après les autres. Sur une table du fond, on servit le dîner pour le personnel du café. Et lui, derrière son journal, réfléchissait. C'était sa fièvre de curiosité qui lui avait fait admettre que la mort de Cafier devait être découverte dans la soirée. En réalité, elle pouvait très bien ne l'être que le lendemain. Autant de raisons se présentaient pour une hypothèse que pour l'autre, et il ne pouvait pas rester dans ce café jusqu'au lendemain, ni même jusqu'à minuit. Peut-être n'y était-il déjà resté que trop longtemps. Cependant, il ne voulut pas encore partir, et comme il ne pouvait pas, croyait-il, lire indéfiniment, il demanda ce qu'il fallait pour écrire et paya le garçon de façon à sortir au plus vite si quelque incident se produisait. Quoi écrire? Barbouiller simplement du papier? Il voulut se forcer à mettre en ordre un travail prêt pour lequel le temps lui avait manqué. Ce serait une épreuve qui lui dirait de quoi il était capable. Chose curieuse, il put, en écrivant, suivre ses idées et trouver le mot propre. Mais quand il se relisait, sa volonté lui échappait. Il était dans la rue. Le temps, cependant, s'écoulait. Tout à coup, il se fit un mouvement sous la porte cochère de la maison et un homme traversa la rue en courant. Trois ou quatre personnes s'arrêtèrent et se groupèrent. Il sortit sans trop se presser et d'une voix qui l'affermit, il demanda ce qui se passait. « Un agent d'affaires a été assassiné chez lui. On est parti chercher la police au bureau de la rue du Hasard. » Chapitre 14. Saniel était venu là pour voir et savoir, sans avoir arrêté pendant sa longue attente ce qu'il devrait faire. Instantanément, avec un esprit de décision qui lui avait si souvent manqué depuis la veille, il résolut de monter chez Cafier avec la police. N'était-il pas médecin, et de plus, médecin de la victime? « Un homme d'affaires ? » dit-il. « Est-ce monsieur Cafier ? » Précisément. Mais je suis son médecin. Un médecin, voici un médecin, crièrent quelques voix. On s'écarta et sa nièce entra sous la porte cochère, où la concierge à demi défaillante était assise sur une chaise, entourée de toutes les bonnes de la maison et de quelques voisins à qui elle racontait l'aventure. En jouant des coudes, il parvint à s'approcher d'elle. « Qui a dit que M. Caffier était mort ? » demanda-t-il avec autorité. « Personne n'a dit qu'il était mort, pas moi au moins. Alors ? » « Alors il y a une tache de sang qui de son cabinet a coulé sur le palier, même que ça ressemble aux ordures d'un chat, sans y ressembler. Et comme il est chez lui, puisque de la cour on voit faiblement la lumière de sa lampe qu'il ne laisse jamais brûler quand il va dîner, on croit qu'il y a du malheur. Et puis pourquoi que ses rideaux sont fermés ? Lui, il les laissait toujours ouverts. » À ce moment, deux sergents de ville entrèrent sous la porte, précédant un serrurier armé d'un trousseau de crochets et un petit homme à lunettes, à la mine fine et futée, coiffé d'un chapeau mécanique sous lequel tombaient des cheveux blonds frisants. Le commissaire de police, probablement. « À quel étage ? » demanda-t-il à la concierge. « Au premier. Venez avec nous. » Il commençait à monter l'escalier, accompagné de la concierge, du serrurier et d'un agent. Sa nièce voulut les suivre. Le second agent lui barra le passage. « Pardon, monsieur le commissaire, » dit sa nièce. « Que voulez-vous, monsieur ? Je suis le médecin de monsieur Caffier. Monsieur ? Le docteur Saniel. Laissez passer monsieur le docteur, » dit le commissaire. « Mais seul, faites sortir tout le monde et qu'on ferme la porte cochère. » En arrivant sur le palier, le commissaire s'arrêta pour regarder la tache brune qui, en coulant sous la porte, s'était étalée sur le carreau, Caffier n'ayant jamais eu de paillasson. « C'est bien une tache de sang, » dit Saniel, qui s'était baissé pour l'examiner et avait trempé son doigt dedans. « Ouvrez la porte, » demanda le commissaire au serrurier. « Elle doit n'être fermée qu'au demi-tour. » Le serrurier examina l'entrée, chercha dans ses crochets, en choisit un et au premier essai la porte s'ouvrit. « Que personne n'entre, » dit le commissaire. « Monsieur le docteur, veuillez me suivre. » Et passant le premier, il pénétra dans le premier cabinet, celui du clerc, suivi de Saniel. Deux petits ruisseaux de sang déjà épaissis, partant du fauteuil de Caffier et courant sur la pente du carreau, qui s'inclinait du côté de l'escalier, s'étaient réunis en cette tâche qui avait fait découvrir le crime. Le commissaire et Saniel eurent soin de ne pas marcher dedans. « Le malheureux a eu le cou coupé, » dit Saniel. « La mort remonte à 2 ou 3 heures. Rien à faire. »« Pour vous, monsieur le docteur, mais pas pour moi. » Et se baissant, il ramassa le couteau auprès du fauteuil. « N'est-ce pas un couteau de boucher ?» demanda Saniel, qui n'était venu là que pour jeter ce mot. Cela en a tout l'air. Il avait relevé la tête de Caffier et il examinait la blessure. « Vous voyez, dit-il, que la victime a été égorgée. Le coup a été porté de gauche à droite par une main ferme qui devait être habituée à manier ce couteau. Mais ce n'est pas seulement une main forte et exercée qui a tué. C'est aussi une intelligence qui savait comment elle devait procéder pour que la mort fût rapide, presque foudroyante et en même temps silencieuse. Vous croyez à un boucher ? À un tueur de profession, le larynx a été tranché au-dessous de la glotte et du même coup les deux artères carotides avec les veines jugulaires. Comme l'assassin avait dû relever la tête, la victime n'a pu pousser aucun cri. Il y a eu un jet de sang considérable et la mort a dû arriver en 1 ou 2 minutes. « La scène me paraît très bien reconstituée, » dit le commissaire. « Le sang a dû jaillir dans cette direction, » continua Saniel en montrant l'entrée. Mais comme la porte de cette entrée était ouverte, on ne voit rien. Pendant que Saniel parlait, le commissaire jetait autour de lui un regard circulaire, ce regard du policier qui voit tout et ramasse tout. « La caisse est ouverte, » dit-il. « L'affaire se caractérise. Assassinat suivi de vol. » Une porte faisait vis-à-vis à celle de l'entrée. Le commissaire l'ouvrit. C'était celle de la chambre à coucher de Caffier. « Je vais vous donner un homme pour vous aider à transporter le cadavre dans cette chambre où vous pourrez continuer votre examen plus à l'aise, tandis que moi je pourrai plus facilement aussi me livrer à mes investigations dans ce cabinet. » Saniel aurait voulu rester dans le cabinet pour assister à ses investigations, mais soulever une objection était impossible. Le fauteuil fut roulé dans la chambre où les bougies de la cheminée avaient été allumées, et quand le cadavre eut été étendu sur le lit, le commissaire retourna dans le cabinet. Saniel fit durer son examen aussi longtemps qu'il put, afin de ne pas quitter la maison. mais cependant il ne pouvait pas le prolonger au-delà de quelques limites. Lorsqu'elles furent atteintes, il revint dans le cabinet du clerc où le commissaire s'était installé et recevait la déposition de la concierge. « Ainsi, disait-il, de 5 à 7 heures, personne ne vous a demandé, monsieur Caffier. »« Personne. Mais je suis sorti de ma loge à 5 heures un quart pour allumer le gaz de mes escaliers. Ça m'a bien pris 20 minutes, parce que je ne suis plus souple, et pendant ce temps-là, on a pu monter et descendre l'escalier sans que je voie ce qui passe devant la loge. » « Eh bien, demanda le commissaire à Saniel, avez-vous trouvé quelque chose de caractéristique ?»« Non, il n'y a pas d'autre blessure que celle du cou. » « Voulez-vous rédiger votre rapport médico-légal pendant que je continue mon enquête ?»« Volontiers. » Et sans attendre, il s'assit au bureau du clerc, faisant vis-à-vis au secrétaire du commissaire, arrivé depuis quelques instants. « Je vais vous faire prêter serment, » dit le commissaire. Quand cette formalité fut accomplie, Saniel commença son rapport. Nous, sous-signé Victor Saniel, docteur en médecine de la faculté de Paris, demeurant à Paris, rue Louis-le-Grand, après avoir prêté serment de remplir, en honneur et conscience, la mission qui nous est confiée. Tout en écrivant, il était attentif à ce qui se disait autour de lui et ne perdait pas un mot de la déposition de la concierge. « Je suis certaine, disait-elle, que de 5 heures et demie à maintenant, il n'a passé par l'escalier que des gens de la maison. » Mais avant 5 heures et demie, je vous ai dit que de 5 heures un quart à 5 heures et demie, je n'étais pas dans ma loge. Et avant 5 heures un quart, il est passé bien des personnes que je ne connais pas. Parmi ces personnes, s'est-il trouvé quelqu'un qui vous ait demandé monsieur Caffier? Non. Oh, c'est-à-dire si, il y a quelqu'un qui m'a demandé si monsieur Caffier était chez lui, mais celui-là je le connais bien, c'est pour cela que je répondais non. Et quel est ce quelqu'un? Un ancien clerc de monsieur Caffier. Il s'appelle Monsieur Florentin, Monsieur Florentin Cormier. La main de Saniel s'arrêta, mais il eut la force de ne pas lever la tête. À quelle heure est-il venu? Demanda le commissaire. Vers les 3 heures, plutôt avant qu'après. L'avez-vous vu repartir? Bien sûr, même qu'il m'a parlé. Quelle heure était-il? 3 heures et demie. Croyez-vous que la mort puisse remonter à ce moment? Demanda le commissaire en s'adressant à Saniel. « Non, je crois qu'elle peut être fixée entre 5 et 6 heures. »« Il ne faut pas que monsieur le commissaire puisse soupçonner monsieur Florentin, » s'écria la concierge. « C'est un bon jeune homme, incapable de faire du mal à une puce. Et puis il y a une bonne raison pour que la mort ne remonte pas à 3 heures ou 3 heures et demie. C'est que la lampe de monsieur Caffier était allumée. Et vous savez, le pauvre monsieur, c'était pas un homme à allumer sa lampe en plein jour, regardant qu'il était, enfin comme il convient. » Brusquement, elle s'interrompit en se donnant un coup de poing au front. « Voilà que ça me revient, et vous allez voir que M. Florentin n'est pour rien dans l'affaire. Comme je montais l'escalier à 5 heures un quart pour allumer mon gaz, quelqu'un est monté derrière moi et a sonné à la porte de M. Caffier en frappant 3 ou 4 coups espacés, ce qui était le signal pour se faire ouvrir. » De nouveau, la plume de Saniel s'arrêta, et il fut obligé d'appuyer sa main sur la table pour l'empêcher de trembler. « Qui était ce quelqu'un ? » Saniel n'eut pas la force de ne pas regarder la concierge. Ah, ça, je ne sais pas, répondit-elle. Je ne l'ai pas vu, mais je l'ai entendu, un pas d'homme. C'est le coquin qui a fait le coup, vous pouvez en être sûr. Cela était en effet vraisemblable. Il sera sorti pendant que j'étais dans l'autre escalier. Il connaissait bien les habitudes de la maison. Saniel avait repris la rédaction de son rapport. Après avoir tourné et retourné la concierge sans pouvoir lui en faire dire davantage, le commissaire la renvoya et, laissant Saniel à sa besogne, il passa dans le cabinet de Caffier où il resta assez longtemps. Quand il revint, il apportait un petit carnet qu'il consulta. Sans doute c'était le livre de caisse de Caffier, simple et primitif, comme tout ce qui touchait aux habitudes du vieil homme d'affaires, réglé par la plus étroite économie, aussi bien dans les dépenses que dans le travail. De ce carnet, dit le commissaire à son secrétaire, il semble résulter qu'on aurait pris dans la caisse 35 ou 36 000 francs, mais on y a laissé des titres et des valeurs pour une somme qui paraît considérable. Saniel, qui avait terminé son rapport, ne quittait pas des yeux le carnet, et ce qu'il pouvait voir était pour le rassurer. Évidemment, cette comptabilité était réduite au minimum. Une date, un nom, une somme, et après cette somme, un P majuscule qui sans doute voulait dire « payé », ou un autre signe hiéroglyphique. Et c'était tout. Il paraissait donc peu vraisemblable qu'avec un pareil système, Cafier eût jamais pris la peine d'inscrire les numéros des billets qui lui passaient par les mains. En tout cas, s'il le faisait, ce n'était point sur ce carnet. En trouverait-on un autre ? Mon rapport est terminé, dit-il. Le voici. Puisque je vous ai, pouvez-vous me donner quelques renseignements sur les habitudes de la victime et sur les personnes qu'il recevait ? Pas du tout. Je ne le connaissais que depuis peu, et il n'était mon client que comme j'étais le sien, par hasard. Il s'occupait d'une affaire pour moi, et je lui avais donné simplement quelques conseils. Il était diabétique au dernier degré. L'assassin n'a avancé sa mort que de très peu de temps, de peu de jours. C'était égal, il l'a avancé. Oh, parfaitement. D'ailleurs, s'il est habile pour couper le cou des gens, peut-être l'est-il moins pour diagnostiquer leur maladie. C'est probable, répondit le commissaire en souriant. Vous croyez à un boucher ? Il y a des présomptions. Le couteau ? Il peut avoir été volé ou trouvé. Mais la façon d'opérer ? C'est, il me semble, le point d'où nous devons partir. Saniel ne pouvait rester plus longtemps. Il se leva pour se retirer. « Vous savez mon adresse, dit-il, mais je dois vous prévenir que si vous aviez besoin de moi, je pars demain pour Nice. Je ne serai d'ailleurs absent que le temps juste d'aller et de revenir. » Si nous avons besoin de vous, ce ne sera pas sans doute avant plusieurs jours. Nous n'allons pas marcher bien vite dans l'inconnu où nous nous trouvons. Chapitre 15. En suivant la rue des Petits Champs pour rentrer chez lui, Saniel marchait allègrement. Si plus d'une fois son émotion avait été poignante pendant cette longue séance, en somme il ne pouvait être que satisfait de ses résultats. La concierge ne l'avait pas vu, cela était désormais acquis. L'hypothèse du couteau de boucher était posée de façon à faire son chemin. Enfin, il semblait vraisemblable que Cafier n'avait pas pris les numéros de ses billets. Mais eût-il été noté, et dut-on découvrir plus tard le carnet qui les contenait, que ce danger n'était pas immédiat. En effet, pendant qu'il rédigeait son rapport et qu'il écoutait la déposition de la concierge, son esprit, au lieu de se tendre sur ces deux choses, avait, par une anomalie bizarre, couru à une troisième. Alors, comme par une sorte d'inspiration, il avait trouvé le moyen qui s'était toujours dérobé à lui lorsqu'il le cherchait de toutes les forces de son application, et qui consistait à se débarrasser le soir même des billets de banque sans les détruire. Pour cela, il n'avait qu'à les diviser en petits paquets, à les mettre sous enveloppe et à les confier sous diverses initiales à la poste restante qui les lui garderait fidèlement jusqu'au jour où il pourrait les lui redemander sans se compromettre. Dans la déposition de la concierge, dans la piste indiquée par le couteau, dans l'invention de la poste restante, il y avait donc de justes motifs de satisfaction qui pouvait rendre sa respiration libre. Décidément, la chance semblait être avec lui, et il aurait pu se dire que tout était pour le mieux s'il n'avait point commis l'imprudence vraiment folle d'entrer dans ce café. Qu'avait-il besoin de s'établir là et d'y rester assez longtemps pour provoquer l'attention ? Pour éviter celle des passants, il avait été s'exposer à la curiosité du personnel de ce café. La belle affaire, en vérité, est bien digne d'un imbécile qui a perdu la tête. On lui aurait raconté cela d'un homme à peu près intelligent qui se serait refusé à le croire. Et pour lui, c'était vrai, cependant. Quelles conséquences aurait cette maladresse ? C'était ce qu'on ne pouvait prévoir. Aucune, peut-être. Et peut-être de très grave. Dans ces conditions d'incertitude, le mieux était donc de faire comme s'il ne l'avait pas commise et de tâcher de l'oublier. Ce qui pressait pour le moment, c'était les billets de banque et il ne devait penser qu'à eux. Rentré chez lui et sa porte fermée, il mit tout de suite son idée à exécution. Des trois liasses de billets, il fit 10 paquets, de façon à ne former qu'un petit volume, plia chacun d'eux dans une feuille de papier fort, le plaça sous enveloppe, simplement gommée, et sur cette enveloppe il écrivit 2 lettres de l'alphabet, se suivant en commençant par A, et 2 chiffres commençant par 1, et se suivant aussi. A, B, 12. C, D, 34. E, F, 56. Puis il les adressa poste restante dans les 10 premiers bureaux de Paris inscrits sur son almanach. Cet ordre logique et facile à retenir lui permettait de ne pas garder une note de cette combinaison et de défier ainsi toute recherche si jamais on en faisait. Sans doute un ou plusieurs de ces paquets pouvaient être volés ou égarés, mais c'était là une considération peu importante pour lui. Ce n'était pas pour 30 000 francs qu'il avait tué Cafier, c'était simplement pour 3 000. Et puisqu'il avait eu la pensée de brûler ses billets, il pouvait maintenant sans souci s'exposer à en perdre quelques-uns. Quand cette idée de la poste restante lui était venue, il s'était dit qu'il jetterait ses enveloppes dans la boîte la plus voisine de chez lui, ce qui terminerait tout. Mais au moment de partir, il réfléchit que ces 10 lettres ayant une suscription à peu près pareille, trouvées en tas dans la même boîte, pourraient provoquer la curiosité, et il résolut de les diviser dans 5 ou 6 bureaux où il allait les porter lui-même, à pied, sans prendre une voiture, bien qu'il eût maintenant de quoi la payer, car le cocher qui l'aurait conduit pourrait devenir un jour un témoin redoutable. Après la course folle de la journée à travers les bois et les champs, après ses émotions de la soirée, il se sentait brisé et las d'une fatigue qu'il ne connaissait point, mais il comprenait qu'il n'avait pas la liberté d'écouter cette lassitude. Une nouvelle situation lui était faite, qui avait cela de particulier qu'il cessait de s'appartenir pour être désormais, et pour rester jusqu'à la fin de sa vie, le prisonnier de son crime. Ce serait ce crime qui, à partir de cette soirée, commanderait. À lui qu'il faudrait obéir. De cela, il eut une perception très nette qui le frappa. Comment n'avait-il pas prévu cette situation, quand, pesant si longuement le pour et le contre, en homme intelligent qui peut scruter l'avenir sous toutes ses faces, il avait examiné ce qui devrait arriver. Mais pour surprenante qu'elle fût, la découverte n'en avait pas moins une certitude incontestable, et la preuve qui s'en dégageait, fâcheuse et troublante, était que si intelligent qu'on soit ou qu'on se croit, on a toujours à apprendre de l'expérience. Qu'apprendrait-il encore? Il fallait qu'il savoie qu'il se trouvait en face de l'inconnu, et tout ce qu'il pouvait souhaiter, c'était que cette leçon qu'il recevait des faits fût la plus dure. Quant à s'imaginer qu'elle était la dernière, c'eût été folie. On verrait. Pour le moment, il ne s'agissait que des lettres qu'il avait préparées, et qu'il fût ou ne fût pas fatigué, il devait au plus vite s'en débarrasser. Il les prit et tout de suite il se mit en route, allant par les rues qui commençaient à se faire désertes et sombres, du bureau de la rue Cambon à celle de la place Ventedour, de la rue de Choiseul à la place de la Bourse, et continuant ainsi jusqu'à ce qu'il eût fini. Quand il rentra, 1 heure du matin était sonnée depuis assez longtemps déjà. Il se coucha tout de suite et dormit d'un lourd sommeil, sans réveil et sans rêve. Il faisait grand jour lorsqu'il ouvrit les yeux le lendemain. Surpris d'avoir dormi si tard, il sauta à bas du lit. Sa montre marquait 8 heures, mais comme il ne devait partir qu'à 11h15, il avait du temps devant lui. À quoi l'employer ? C'était la première fois depuis des années qu'il se posait une pareille question, lui qui, chaque matin, trouvait toujours qu'il lui manquerait 3 ou 4 heures pour remplir son programme. Il s'habilla lentement, c'est-à-dire lentement pour lui qui d'ordinaire mettait 10 minutes à sa toilette, mais cela ne faisait encore que 8h20. Alors il pensa à écrire à Phyllis pour la prévenir de son voyage, puis tout de suite il changea d'idée en décidant d'aller le lui annoncer lui-même. L'année précédente, il avait soigné Madame Cormier, atteinte d'une attaque de paralysie, et il pouvait, à condition de ne pas répéter trop souvent ses visites, se présenter chez elle sans paraître venir voir Phyllis. C'était en passant, pour prendre des nouvelles d'une malade à laquelle il s'intéressait par cela même qu'il l'avait guérie et dont il voulait suivre la guérison. Au moment où il l'avait soignée, Madame Cormier habitait au Batignolles, rue des Moines, un petit rez-de-chaussée au fond d'un jardin qu'il lui avait fait quitter parce qu'il était trop humide pour la faire monter à 1/5 étage où elle trouvait de l'air et de la lumière. À 9 heures, il frappait à sa porte. « Entrez !» répondit une voix d'homme. Il fut surpris, car au temps où il venait presque tous les jours, il n'avait jamais rencontré d'homme. Qui était celui-là qui répondait comme s'il était chez lui ? Il tourna la clé dans la serrure et se trouva dans un vestibule noir d'où était partie évidemment cette voix, et où cependant il ne vit personne, celui qui avait répondu étant sans doute caché par un rideau qui partageait le vestibule en deux. De plus en plus surpris, car il n'avait pas encore vu ce rideau, il frappa à la porte de la salle à manger. Cette fois, ce fut la voix claire de Phyllis qui répondit. « Entrez !» Il ouvrit et devant une grande table posée contre la fenêtre, il vit Phyllis habillée d'une blouse grise qui travaillait. Sur la table étaient étalés de petits cartons et à portée de la main, elle avait une boîte à aquarelle avec un verre dont l'eau était salie par le lavage des pinceaux. Au bruit des pas sur le parquet, elle retourna la tête et instantanément elle fut debout. Mais elle retint le cri, le nom qui lui était monté aux lèvres. « Maman, dit-elle, c'est monsieur le docteur Saniel. » Aussitôt, Madame Cormier, sortant de la cuisine, entra dans la salle en marchant difficilement. Car, si Saniel l'avait remise sur pied, il ne lui avait rendu ni la souplesse ni l'aisance de la jeunesse. Les premières politesses échangées, Saniel expliqua qu'ayant une visite à faire au Batignolles, il n'avait pas voulu venir auprès de sa malade sans la voir et lui demander comment elle se trouvait. Pendant que Madame Cormier expliquait, avec la prolixité des malades, ce qu'elle éprouvait et aussi ce qu'elle était étonnée de n'éprouver point, Phyllis regardait Saniel, inquiète de lui trouver la physionomie si convulsée. Assurément, il s'était passé quelque chose de très grave. Sa visite le disait d'ailleurs. Mais quoi ? Son angoisse était d'autant plus vive qu'il évitait assurément de la regarder. Pourquoi ? Elle n'avait rien fait et ne trouvait aucun reproche à s'adresser. À ce moment, la porte du vestibule s'ouvrit et un homme, jeune encore, de grande taille, à la barbe blonde frisée, entra dans la salle. « Celui du vestibule, » pensa Saniel en l'examinant. « Mon fils, » dit Madame Cormier. « Mon frère Florentin, dont nous avons si souvent parlé, » dit Phyllis. « Florentin, il était donc devenu imbécile de n'avoir pas pensé que cet homme que le rideau lui avait caché et qui répondait en maître quand on frappait ne pouvait être que le frère de Phyllis ? Était-il si profondément bouleversé qu'un raisonnement aussi simple lui était impossible ? Décidément, il importait qu'il partît au plus vite. Le voyage calmerait sa machine nerveuse affolée. « On m'a écrit, » dit Florentin, « et depuis mon retour, on m'a raconté combien vous aviez été bon pour ma mère. Permettez-moi de vous en remercier d'un cœur ému et reconnaissant. J'espère que bientôt cette reconnaissance ne restera pas un vain mot. » « Ne parlons pas de cela, » dit Saniel, en regardant Phyllis avec une franchise et un visage ouvert qui, jusqu'à un certain point, la rassurèrent. « C'est moi qui suis l'obligé de Madame Cormier. Si le mot n'était pas barbare, je dirais que sa maladie a été une bonne fortune pour moi. » Puis, pour détourner la conversation, et surtout pour tâcher de dire à Phyllis qu'il voulait l'entretenir en particulier un court instant, il s'approcha de la table. « Et que faites-vous là de charmant, mademoiselle » demanda-t-il. « Oh, charmant, je ne sais pas si en travaillant consciencieusement, je serais jamais arrivé à avoir un talent qui me permît de faire charmant. Mais c'est au métier que je suis réduite, et le métier doit se contenter de l'à peu près. Voyez ces 12 menus, ils n'ont tous les 12 qu'un seul et même dessin, et voilà comment je dois procéder pour gagner quelque chose au bout de ma journée. » Disant cela, elle trempa son pinceau dans sa boîte à couleurs, établit la nuance qu'elle voulait sur le fond d'une assiette cassée qui lui servait de palette, et rapidement elle appliqua cette nuance sur chacun de ses 12 menus. « Économie de temps et de couleurs, » dit-elle, « mais avec de pareils procédés, qui sont une nécessité, comment penser à faire charmant ? Je voudrais bien essayer, pourtant, si j'en avais le loisir. » La vie a de ses duretés, et pour tout le monde, il faudrait ne travailler que pour le plaisir. « Alors on ne ferait rien, » dit Florentin avec béatitude. « Veux-tu te taire, paresseux ? » s'écria Phyllis. Saniel donna quelques conseils à Madame Cormier, puis il se leva pour partir. Phyllis le suivit, et Florentin parut vouloir les accompagner. Mais elle l'arrêta. « J'ai une question à adresser à M. Saniel, » dit-elle. Quand ils furent arrivés sur le palier, elle tira la porte du vestibule de façon à la fermer complètement. « Qu'est-ce qu'il y a ? » demanda-t-elle d'une voix hâtée qui tremblait. « J'ai voulu t'avertir que je pars à 11 heures pour Monaco. »« Tu pars ? » ?»« J'ai reçu 200 francs d'un client et je vais les risquer au jeu. 200 francs ne peuvent pas payer Jardine ni les autres. Au jeu, ils peuvent me donner quelques milliers de francs. »« Oh, pauvre cher, comme il faut que tu sois désespéré pour avoir, toi, tel que tu es, une pareille idée. » « J'ai tort ? Jamais tort à mes yeux, pour mon cœur, pour mon amour. Que la fortune ou mon bien-aimé soit avec toi. » « Donne-moi ta main. » Elle regarda autour d'elle en écoutant. Personne, aucun bruit. Alors, l'attirant, elle lui mit ses lèvres sur les lèvres. « Tout à toi, avec toi. Je serai de retour mardi. Mardi à 5 heures, j'arriverai. »